rejoigne aussi sa place. Est-ce que vous vous souvenez de quel passage on va parler? Je vois qu'il y en a qui écoutent, c'est réjouissant. Psaume 133. Est-ce que tu peux afficher le texte, s'il te plaît, Pierre? Bon, je l'ai un peu mis en forme, hein, pour qu'on puisse bien comprendre. On va le lire, il est court. Chant pour ceux qui montent à Jérusalem de David. Oui, il est bon, il est agréable pour des frères d'être ensemble. C'est comme le parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement. C'est comme la rosée qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Car c'est là, à Sion, que le Seigneur donne sa bénédiction, la vie pour toujours. Amen. Un si petit psaume, n'est-ce pas? Un tout petit psaume, juste trois versets. Un si petit psaume, mes frères et sœurs, mais pour dire de si grandes choses. Alors disons déjà, pour rassurer tout le monde, que si ce psaume ne mentionne pas les frères, ne mentionne pardon que les frères, cela ne veut pas dire que les sœurs en soient exclues. Le psaume 133 fait partie d'une série de 15 psaumes qu'on appelle les psaumes des degrés ou les psaumes des montées. Ces psaumes forment un ensemble de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui une playlist. C'était la playlist des marcheurs, de ceux qui étaient conviés à se mettre en marche pour se rendre à Jérusalem trois fois par an pour célébrer une fête en l'honneur de l'Éternel. Et il faut comprendre ces psaumes des degrés comme une montée, comme un itinéraire, un cheminement intérieur, une élévation vers Jérusalem, vers cette montagne de l'Éternel, vers le lieu où les sacrifices qui y sont offerts rapprocheraient le peuple de Dieu. On peut dire que, par anticipation, ces psaumes sont une description de ce que nous avons en Jésus-Christ, de ce chemin, de ce seul chemin qui nous donne accès à la communion avec Dieu par le sacrifice. C'est dans ce chemin, dans cette progression vers l'expérience de la présence consciente de Dieu que se situe le psaume 133. Son but, le but de ce psaume, est de nous indiquer ce qui est précieux, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qu'il nous est demandé d'apprécier comme un don de Dieu. Et le psalmiste le dit sans aucun détour. On l'a lu, on va le relire. Oui, ou voici, selon d'autres versions, qu'il est bon et agréable pour des frères d'être ensemble, d'habiter unis ensemble, de se trouver entre frères, selon d'autres traductions. Avec cette conclusion que nous avons lue aussi, mais que l'on peut rattacher à la fois au verset qui précède, soit au tout premier verset que nous avons lu et qui résonne comme une promesse. C'est là, à Sion, ou là, dans le lieu de la fraternité que nous avons en Jésus-Christ, que Dieu donne sa bénédiction, sa vie pour l'éternité. C'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, avec cette double question à laquelle, j'en suis sûr, nous répondrons tous par un oui. Ces deux questions, les voici. Voulons-nous être bénis? Question saugrenue. Bien sûr qu'on veut être bénis. Désirons-nous entrer pleinement dans cette bénédiction de Dieu en Jésus-Christ? Est-ce que notre souhait pour 2024 ne serait pas que chacune et chacun fasse l'expérience d'une telle bénédiction, fasse l'expérience de ce Dieu qui est là, près de nous, avec nous, pour nous, en nous, sur nous? Nous le verrons. Et la deuxième question, voulons-nous la vie éternelle? Curieuse question. Est-ce qu'on ne l'a pas déjà? La vie éternelle, La vie éternelle, c'est cette vie au-delà de notre vie. Ce n'est pas une question de vie après la mort. D'ailleurs, le jeune homme riche ne s'était pas trompé. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il était jeune et il se posait, soi-disant, des questions sur la vie au-delà. Mais pas du tout. Ce qu'il souhaitait, ce jeune homme, en s'adressant à Christ, c'est d'avoir la réponse sur la vie de maintenant, pas sur la vie de demain, ou pas sur la vie après la mort. Mais ce qu'il souhaitait, ce jeune homme, c'était avoir ses réponses pour sa vie présente. Alors souhaitons-nous la vie éternelle? Souhaitons-nous une vie qui soit pleine dans le présent, une vie que l'on reçoit comme un don, pour qu'à notre tour, nous soyons un don et un cadeau de Dieu offert à l'autre? Alors à cette double question, nous avons répondu oui, bien sûr. Hein, nous souhaitons cela, nous voulons cela. Et ce psaume, justement, commence par une interpellation. Une interpellation à voir ce qui est bon, ce qui est agréable. Un oui, mais qu'on peut aussi traduire par voici, comme un doigt qui pointe en direction de ce qui est important. Mais moi, ce qui m'a interpellé avant d'aller plus loin, ce qui m'interpelle dans ce psaume, c'est surtout son auteur, David. Alors, on a tous une certaine idée de David, et nous n'entrerons pas ici dans toute la complexité et la multitude de facettes de ce personnage biblique. Mais ce que dit David ici est très intéressant sous le rapport de la fraternité. Dans ce psaume, il fait l'éloge de la fraternité, alors que dans sa propre expérience, on ne peut pas dire qu'avec ses propres frères, ce soit l'entente cordiale. On se souvient de l'épisode de David lorsqu'il a été envoyé par son père, on voit ça dans 1 Samuel 17, alors que le géant Goliath défiait l'armée d'Israël. Son père lui avait dit, va apporter du pain. D'abord, ramène des nouvelles, mais va apporter du pain et du fromage à tes trois frères aînés, Éliab, Abinadab et Shammah. Ils étaient enrôlés dans l'armée et eh bien, ils avaient peur devant le Goliath. On se souvient de l'accueil et des paroles peu amicales d'Éliab, qui en disent long sur leur état, l'état de leur amour fraternel. Regardez ce qu'il dit, 1 Samuel 17, verset 28. Pourquoi es-tu venu ici, lui dit-il? À qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, David. C'est moi qui le rajoute. Je te connais bien, David. Petit prétentieux, espèce de vaurien. C'est dur, n'est-ce pas? C'est dur d'entendre ça quand on est frère et quand on est frère de quelqu'un, frère ou sœur d'ailleurs. Hein, ce sont des paroles dures. Mais Jésus dit la même chose, voyez-vous. Celui qui dit à son frère ou à sa sœur imbécile mérite d'être jugé par le Conseil suprême. Celui qui dit idiot mérite d'être jeté dans le feu de l'enfer, dira le Christ. Non pour nous accuser, mais pour nous faire comprendre l'importance de nos relations fraternelles. Il dit bien celui qui dit à son frère ou à sa sœur. Alors, est-ce que vous connaissez... On a tous passé des tests Covid. Hein. Est-ce que vous connaissez le test Jean 8, pardon. Est-ce que vous le connaissez, ce test-là? Pas du tout? Je vais vous l'expliquer. Jean 8, c'est lorsque on amène à Jésus une femme pécheresse et Jésus dit que celui qui a péché jette la première pierre. Pardon, qui n'a pas péché. C'est pas ça que, c'est pas que je, ouais, pardon, c'est pas ce que j'ai dit. Ce que celui qui n'a pas péché jette le premier la première pierre. Je me suis trompé, excusez-moi. Donc, c'est le test de Jean 8, c'est-à-dire que nous avons tous eu des pensées, elles ne sont peut-être pas sorties de notre bouche, mais des pensées envers un frère ou envers une sœur. Ça, c'est le test de Jean 8. Mais pour David, voyez-vous, cet échec de la fraternité est l'un des moteurs de ce psaume. Et David persiste à croire, il persiste même à chanter, puisque c'est un psaume, qu'une fraternité est possible, même s'il en a été privé, et qu'il existe une relation à l'autre, un amour fraternel, un vivre ensemble, selon Dieu, qu'il qualifie de bon et d'agréable. Alors nous le savons, ce qui est bon pour nous n'est pas forcément agréable. Et inversement, ce qui est agréable n'est pas forcément bon. Et je ne ferai pas ici la liste de toutes ces choses agréables qui sont mauvaises pour nous, pour notre santé. C'est difficile, voyez, c'est difficile de concilier le bon et l'agréable dans nos sociétés. Mais il y a dans la fraternité, nous dit David, quelque chose de bon qui produit un certain plaisir, quelque chose de bon et de délicieux tout à la fois. Et ce mot, voyez-vous, ce mot bon est employé pour la première fois dans la Genèse lorsque Dieu, dans la Genèse, lorsque Dieu porte une appréciation sur la création. Il vit, en créant tout cela, que tout cela était bon. Bon parce que conforme à sa pensée, bon et certainement agréable si l'on en juge par l'abondance des fruits dont Adam et Ève pouvaient se nourrir. Mais que nous dit David ici? C'est qu'il y a dans la relation fraternelle quelque chose de l'intention de Dieu lorsqu'il nous a créés, quelque chose de divin, de ce qui est conforme à sa volonté, quelque chose de bon dans lequel nous pouvons trouver du plaisir. Alors, c'est comme ça que l'interprète Rachi de Troyes, qui est un exégète du Moyen Âge, et je vais le citer, le mot Gamyashad indique un niveau supplémentaire d'unité. Et Rachi le lit comme si Dieu cheminait avec les personnes lorsqu'elles sont unies entre elles. Cette part supplémentaire du divin, c'est ce bon, cet agréable, c'est cet habiter ensemble, ce vivre ensemble, cette unité que notre identité de frère en Christ nous permet de vivre. Alors, rassurez-vous, en 2024, on ne va pas raser l'église et construire une tour où nous vivrons tous ensemble. Certains l'ont fait et certains s'y sont risqués et ont échoué. La communion fraternelle n'est pas une question d'unité de lieu, mais une question d'unité de cœur. Habiter ensemble ne veut pas dire qu'on habite tous ici aux 14 rue Soubiras, mais c'est un être tout entier. C'est être tout entier. C'est cheminer ensemble, bien liés l'un à l'autre, s'assembler, se rencontrer l'un à l'égal de l'autre. Et on trouve, voyez-vous, cette expression lorsque Abraham et Isaac, dans Genèse 22, vous connaissez le passage, font ce mouvement ascensionnel vers une montagne, le mont Morija. Et le texte nous dit qu'ils marchèrent tous deux ensemble. C'est cette même expression qui est employée ici dans le psaume 133, c'est-à-dire d'un cœur égal. Il n'y avait pas un qui dominait l'autre, ils étaient dans la même disposition d'arriver sur cette montagne en vue du sacrifice, nous monterons, a dit le Père, nous monterons et là nous adorerons le Seigneur et nous reviendrons. Ils avaient ce même objectif, ce même but de marcher ensemble, de gravir cette montagne pour adorer Dieu. Alors pour illustrer son propos, David va utiliser deux comparaisons, l'huile et la rosée. Alors l'huile tout d'abord. L'huile, c'est quelque chose qui fait partie, en tout cas dans les cultures, la culture biblique et méditerranéenne, qui fait partie de la vie quotidienne, qui fait partie du quotidien. Et on utilise l'huile à peu près pour tout. On l'utilise pour faire des gâteaux, on le voit dans la veuve de Sarepta, on l'utilise pour s'éclairer, on le voit dans le psaume 119, on l'utilise pour soulager les douleurs, on l'utilise pour panser les plaies, on le voit aussi dans d'autres passages de l'Écriture. L'huile rentrait aussi dans la composition des parfums, parce que c'était un liant, et de l'huile avec laquelle on oignait les rois, les prophètes et les sacrificateurs. Alors au Moyen-Orient, il y a une coutume, et la coutume c'était de déposer une petite goutte d'huile parfumée sur le front des invités. Alors on le faisait non seulement pour les honorer, mais aussi, il faut le dire, pour masquer les odeurs corporelles. Alors, pour que ces personnes ne diffusent pas, puisque le front servait de diffuseur, hein, c'est eux qui l'ont inventé, pour qu'il ne se diffuse pas une autre odeur que la leur. Donc, je pense que c'est tout à fait, c'est à cela que pensait David et qu'il fait allusion lorsqu'il parle de l'huile en relation avec la fraternité. Il y a du bon, il y a de l'agréable dans la relation fraternelle, il y a de la nourriture spirituelle dans nos échanges, il y a de la lumière, un éclairage différent par le partage de notre point de vue, il y a une rencontre dans la communion fraternelle qui apaise les douleurs, une parole qui guérit et une parole qui console. Alors, ceci est très beau, n'est-ce pas ? Mais ceci pourrait très bien rester à l'échelle humaine, à portée humaine, à dimension humaine. Une petite recette, un peu de bienveillance, un soupçon de psychologie, beaucoup d'empathie, moins d'égoïsme, et hop, une belle église, une belle communion fraternelle. C'est de l'huile, nous dit le psaume, hein. Mais pas n'importe laquelle. Rien à voir avec la petite goutte parfumée que l'on pourrait mettre sur le front de nos invités ou sur notre propre front pour masquer en fait cette mauvaise odeur qui émane de nous. Et cette huile, elle n'est pas versée non plus sur n'importe qui. C'est comme, nous dit le texte, c'est comme un parfum de l'huile précieuse versée sur la tête du grand prêtre Aaron. Elle descend sur sa barbe, puis jusqu'au col de son vêtement, et certains traduisent jusqu'au bord de ses vêtements, c'est-à-dire elle est invasive. Ici, David, il va faire allusion, il va relater un fait qu'il n'a pas connu. On se souvient d'Aaron, hein, le premier grand souverain sacrificateur, le premier grand prêtre. Est-ce que vous vous souvenez des suivants ? Difficile, question difficile. Même ceux qui sont versés dans les Écritures, on n'en connaît pas beaucoup, mais Aaron a une place particulière. C'était le frère de Moïse, il a été le premier grand prêtre et sacrificateur, et la principale fonction du grand prêtre, outre de s'habiller de fin lin, il avait une sorte de gilet qu'on appelle un pectoral, et il rentrait, sur lequel étaient enchâssées les 12 pierres des 12 noms du peuple d'Israël, et une fois par an, il rentrait dans la présence de Dieu pour obtenir le pardon. Le grand souverain sacrificateur, je ne sais pas ce qu'il faisait le reste de l'année, mais ce qu'il faisait ce jour-là, c'est qu'il avait les noms des tribus sur sa poitrine, sur son cœur, et qu'il allait demander le pardon à Dieu pour le peuple. Et il le faisait pour restaurer, non seulement pour que le peuple soit pardonné, mais pour que le peuple rentre en communion avec Dieu. Et il est évident que avant qu'il entre dans la présence de Dieu, il devait être oint avec une huile parfumée, une huile dont les ingrédients se trouvent dans le livre de l'Exode. Ce serait trop long pour en venir à bout. Mais il y avait notamment de la myrrhe, il y avait de l'encens, il y avait des parfums très précieux. C'était une huile qui lui était versée sur la tête abondamment, copieusement. Une huile qui était versée sur lui, et qui, sur ce grand souverain sacrificateur, et qui était là, versée sur lui, une huile, je vais dire, collante. C'est difficile de se débarrasser de l'huile hein, quand on en met sur les mains, c'est difficile. Elle était collante, elle était contagieuse, c'est-à-dire qu'elle se diffusait, une huile qui faisait tache, qui se propageait, qui se diffusait jusque dans les fibres de ses vêtements, et je pourrais dire même jusque dans les fibres de son être. Ici, ce que pointe David en nommant Aaron, il pointe l'origine de la fraternité. L'origine de la fraternité, elle se trouve uniquement dans notre grand souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Ce n'est plus Aaron, c'est lui qui a reçu l'onction, l'huile parfumée. C'est lui qui a reçu cette huile parfumée, qui nous guérit, qui nous apaise de nos souffrances et qui nous illumine. Et cet esprit, qui est également l'onction, il l'a répandu sur nous. Il est entré, nous dit l'Épître aux Hébreux, dans le lieu très saint, avec son propre sang, pour nous obtenir une rédemption, un pardon éternel, et pour rétablir notre communion avec Dieu. Ce que nous dit David, c'est que nous pouvons vivre cette fraternité, nous pouvons goûter au bienfait de cette huile parce que nous sommes pardonnés. C'est parce que nous sommes pardonnés, parce que nous l'avons chanté, nous avons une autre paternité qui nous fait devenir le frère ou la sœur de l'autre. La rosée. Alors la rosée, c'est aussi le nom d'un déodorant, j'ai appris, bon, mais là n'est pas l'objet. C'est comme la rosée qui descend sur les montagnes, qui descend du mont Hermon sur les montagnes de Sion. Après l'huile, la rosée. Alors je ne suis pas un scientifique, mais la rosée, c'est un phénomène naturel, c'est tout à fait naturel, et ça se produit lorsqu'il y a une différence de température entre l'air et le sol. Alors la rosée n'a absolument rien à voir avec la pluie. La pluie, et on le voit pour ceux qui habitent le nord de la France, la pluie peut dévaster, elle peut ravager, elle peut inonder, elle peut submerger, mais pas la rosée. Elle vient, cette rosée, le matin, sans bruit, pour que les plus petits insectes, les plus petits de tous les petits, boivent, pour qu'ils se désaltèrent, pour que les plus petites particules de vie dans le sol puissent prendre vie et s'épanouir. Il y a beaucoup de délicatesse dans la rosée. Elle est tellement fine qu'elle se dépose sur les toiles d'araignée, sans les briser, mais plutôt pour en révéler toute la beauté. Par endroits, la rosée est tellement abondante qu'on dirait qu'il a plu. La rosée n'épuise pas les ressources en eau. Elle ne bouleverse rien. La rosée ne dévaste rien. Elle se pose en silence, dans le respect de ce qui existe, tout en hydratant chaque parcelle de vie. Dans le langage biblique, frères et sœurs, la rosée nous parle de la présence de Dieu. Je serai comme la rosée pour Israël, dit l'Éternel, avec la voix du prophète Osée. Il fleurira comme le lys. Je serai comme la rosée pour Israël. Et souvenons-nous, pour ceux qui ont de la mémoire biblique, que c'est dans la fragilité d'une rosée que descendait la manne et qu'elle se déposait dans le désert pour nourrir le peuple. Alors, on parlait de différence. Le mont Hermon est souvent enneigé. Le mont Hermon est souvent enneigé. Il culmine à 2000 mètres à peu près, un peu plus même. Il est couvert de cèdres. Et l'air y est souvent assez frais, même très frais, et même en été. Par comparaison, la montagne de Sion à Jérusalem, elle n'est pas plus haute que 800 mètres. L'air y est sec, chaud, il y a peu de végétation, c'est une terre de soif. Ce que nous dit David ici, en relation avec la fraternité, c'est que nos différences, le mont Hermon et la montagne de Sion, nos différences ne sont pas un obstacle. Elles ne sont pas un obstacle à la communion fraternelle, mais que c'est dans l'accueil de nos différences que se produit la rosée, que se manifeste la présence discrète de Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ça? Mais bien sûr, chaque fois que l'on se parle, que l'on se rencontre, qu'on va à la rencontre de l'autre, quelque chose se passe. Même dans nos différences, eh bien, il y a ce point de rosée qui est déposé tout en respectant ce que nous sommes, qui nous sommes, et qui vient nous irriguer, qui vient nous arroser. Alors, frères et sœurs, 2024 est une année bissextile. Ça veut dire que nous aurons 366 jours. Ce qui veut dire que cette année, nous vivrons un jour de plus. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas cherché, mais peut-être que vous avez la réponse. Mais nous aurons un jour de plus cette année. Un jour de plus pour vivre par sa grâce. Nous aurons un jour de plus pour apprécier combien la fraternité à laquelle le Christ nous appelle est un don précieux. Cette fraternité, dit le psaume, a le parfum de l'huile répandue sur la tête de Christ, de celui qui pardonne nos péchés, qui restaure notre communion avec le Père. Elle a la délicatesse de la rosée, de la présence de Dieu qui vient fertiliser en nous chaque parcelle de vie, qui vient abreuver et apaiser tout ce qui en nous a soif de lui. C'est là, dans le don de la fraternité, que Dieu envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Je vous invite à faire silence quelques instants. Seigneur, de même que nous sommes et nous pouvons tous t'appeler notre Père, nous pouvons tous nous nommer les uns les autres frères et sœurs. Combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce don de la fraternité que nous avons en Jésus-Christ. Combien nous te sommes reconnaissants parce que tout cela, nous l'avons à cause de ton sacrifice, du pardon de nos fautes, à cause de cette vie que tu as placée en chacun de nous. Aide-nous à vivre cette année qui s'ouvre devant nous sous cette bannière de la fraternité. Non pas un thème biblique parmi tant d'autres, mais un réel désir de chacun de nos cœurs, de vivre cette communion fraternelle, de vivre cette fraternité, de vivre ce rapport entre frères et sœurs que nous désirons de tout notre cœur. Que ton nom soit béni, Seigneur, et aide-nous à rentrer dans cette année en comptant sur ta grâce, en comptant sur ta miséricorde. Nous voulons nous rappeler que tu es un Dieu qui nous a promis ta présence tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors accomplis cette part du contrat. Seigneur, sois avec nous, manifeste qui tu es dans nos vies, Seigneur, jour après jour. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Nous allons passer maintenant au temps des annonces. Alors, je n'avais pas fait la slide, mais aujourd'hui, c'est donc le dernier jour pour les paniers étudiants. Donc,